إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous allons parler aujourd'hui de l'invocation, qui est une adoration immense, qui fait partie des adorations les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, l'invocation est l'adoration. C'est-à-dire qu'elle est l'essence même de l'adoration qui se concrétise par l'invocation. Car l'invocation relève de l'attachement du cœur du serviteur à son Seigneur. Et elle est une preuve que le serviteur ne s'en remet à nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir le bien et repousser le mal. L'invocation est aussi une preuve de la certitude de la foi du serviteur et de sa reconnaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le serviteur invoque Allah car il a la ferme conviction et il croit avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend son invocation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bienfaisant. Et que sa grâce n'a pas de limite. C'est donc pour cela qu'il l'invoque. C'est donc une preuve de la certitude de sa foi et de sa reconnaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, l'invocation est une forme de servitude et une façon pour le serviteur de manifester son indigence et sa dépendance à son Seigneur. Il invoque donc son Seigneur pour ses différents besoins. Il lui adresse ses demandes afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le bien de ce bas monde et de l'au-delà. Et l'homme, de par sa nature, il ressent ce besoin d'invoquer, car il est de nature faible et a besoin de soutien et d'aide lorsqu'il rencontre des difficultés et qu'il fait face à certaines épreuves. Son indigence est manifeste. L'homme est donc asservi de par sa nature. Et certains vouent cette servitude à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et d'autres vouent cette servitude au diable et à ses alliés en s'asservissant à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que l'on voit nombre de personnes s'orienter vers des créatures faibles qu'ils invoquent en dehors d'Allah, en prétendant que celles-ci ont des pouvoirs qui sortent de l'ordinaire, qu'elles les entendent et qu'elles sont capables de leur répondre, qu'elles sont capables de secourir ceux qui les invoquent, et ainsi de suite. Et ceci est une des plus graves formes de polythéisme et une des plus répandues à travers le monde. Combien sont ceux à invoquer des prophètes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui invoquent Jésus par exemple? Combien sont ceux à invoquer des statues, à invoquer des idoles? Combien sont ceux également à invoquer des sorciers et autres charlatans parmi les gourous de différentes sectes qui asservissent leurs adeptes et leur demandent de les invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et combien sont ceux également à invoquer des morts auprès de leurs tombes et auprès des mausolées? Et il est surprenant de voir aujourd'hui nombre de personnes parmi ceux qui se réclament de la religion de l'islam vouer cette adoration immense à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en invoquant les saints ou les walis et en pensant que cela leur est profitable. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis contre cela dans de nombreux versets dans le Coran. À titre d'exemple, il dit subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Bien que cela paraisse être une chose évidente, ceci échappe malheureusement à tous ceux qui vouent cette adoration aux saints et aux walis. Ils oublient que cette personne qu'ils invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est qu'un serviteur comme eux. Il a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière que toi, il dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne contrôle rien dans cet univers. Il n'a ni le pouvoir de nuire, ni le pouvoir de profiter. Donc pourquoi l'invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala met ensuite ses polythéistes au défi et il leur dit « Fad'ouhum, فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Invoquez-les alors et qu'ils vous répondent si vous êtes véridiques. Ils ne peuvent pas leur répondre, car le saint, le wali, ou le mort dans sa tombe, ou la statue, ou le prophète, ils n'ont pas le pouvoir de nuire ou de profiter en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que ceux qui invoquent autre qu'Allah, ils commettent ainsi la plus grave des injustices et le plus grand des grands péchés, qui est le shirk, le polythéisme, dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Et s'il meurt dans cette situation sans s'être repenti, il ne sera pas pardonné. Le paradis lui sera interdit et il ira en enfer pour y demeurer éternellement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. En dehors du shirk, il pardonne à qui il veut, quel que soit le péché. Mais le shirk, celui qui meurt sur celui-ci sans s'en repentir, Allah ne le pardonnera pas. Il nous dit aussi, subhanahu wa ta'ala, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Celui qui donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis. Le paradis sera interdit pour lui, il ne pourra pas y entrer. Et s'il n'entre pas au paradis, où ira-t-il? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَمْصَارِ. Et son refuge sera le feu. Il ira en enfer. وَلَيَّذُ بِاللَّهِ. Et pour les injustes, il n'y aura point de secoureur. Tous ceux qu'ils invoquaient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont se désavouer d'eux au jour de la résurrection. Et ils ne pourront rien pour eux lorsqu'ils seront jetés en enfer. Donc l'adoration, c'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois vouer aucune adoration à autre que ton Créateur. Nul autre que lui n'est en droit d'être adoré. Et entre dans cela l'invocation, qui comme on a vu est l'adoration comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ajoute à cela la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans son noble livre وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne ici de lui vouer cette œuvre qui est l'invocation. Puis il dit ensuite « Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. » Ceux qui par orgueil se refusent à quoi? Se refusent à m'adorer, entreront bientôt dans l'enfer humilié. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne au début du verset? Il nous ordonne de l'invoquer. Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Puis ensuite il dit, ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer, entreront bientôt dans l'enfer humilié. Donc ceci est une preuve explicite que l'invocation est l'adoration. Et que refuser d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala revient à refuser de l'adorer. Et qu'invoquer autre qu'Allah revient à adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation fait donc partie des adorations les plus nobles et les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il convient aux croyants de faire des efforts dans cette adoration. De faire des efforts pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette noble adoration. D'autant plus que celle-ci, elle est vraiment dans ton propre intérêt. Toutes les adorations que tu voues à Allah subhanahu wa ta'ala sont dans ton intérêt. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il se passe largement de ses créatures. Il n'a pas besoin de nous ni de nos adorations. Mais on l'adore pour nous soumettre à ses ordres, afin d'être préservés de l'enfer et de gagner le paradis. Mais l'invocation en plus de cela, lorsque tu l'adresses à Allah, c'est pour obtenir une réponse à tes demandes. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a promis d'exaucer tes demandes. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Tu n'as qu'à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il t'exauce. Il répond à ton invocation. Tu dois avoir la certitude de cela. Ceci est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Mais qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. Donc ceci te prouve que la base et que les invocations sont exaucées. Car Allah subhanahu wa ta'ala a promis d'y répondre. Tu dois donc avoir la certitude de cela lorsque tu invoques. Mais il est nécessaire de savoir qu'afin d'obtenir cet exaucement, tu dois remplir certaines conditions. La première condition qui est très importante est que tu répondes globalement à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, en te soumettant à ses ordres et en délaissant ses interdits. En effet, médite sur le verset que l'on vient de mentionner, lorsqu'il dit, après nous avoir informé qu'il répondait aux invocations de celui qu'il invoque, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi. Donc, la foi et le fait de répondre globalement à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala de délaisser ses interdits, de te soumettre à ses ordres, ceci fait partie des conditions pour que tes invocations soient exaucées. Deuxièmement, parmi les conditions d'exaucement de l'invocation, il y a la présence du cœur. Et ça, c'est très important. Car il est venu dans un hadith qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur distrait. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu dois être concentré sur ce que tu dis lorsque tu invoques. Parfois, lorsqu'on répète beaucoup une invocation, on a tendance à la prononcer machinalement, sans réfléchir sur l'essence de ces mots que l'on prononce. Et ceci est une erreur. Ton cœur doit être présent lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois lui manifester ton indigence, lui montrer que tu as besoin de lui, lui montrer que tu tiens à la réponse à cette demande. Et tu ne dois pas prononcer de simples mots sans réfléchir à ce que tu dis et sans n'y accorder aucune attention, aucune importance. Donc la présence du cœur fait partie des conditions pour être exaucé. La troisième condition est la certitude d'être exaucé. Tu dois avoir la certitude de cela, comme on l'a vu dans le verset. « وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » Notre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai, je vous répondrai. » Et il dit aussi « أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ » Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Tu dois avoir la certitude de cela, tu ne dois pas avoir de doute à ce sujet. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles invoquent, elles invoquent pour essayer. Je vais essayer d'invoquer, peut-être je serai exaucé. Et ceci est contraire aux bienséances relatives à l'invocation, et cela est contraire à ce que nous a enseigné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit dans le hadith, « Invoquez Allah en ayant la certitude d'être exaucé. » Invoque Allah en ayant la certitude d'être exaucé. N'invoque pas pour essayer, n'invoque pas pour tester. Allah subhanahu wa ta'ala t'a promis de répondre à ton invocation. Et la ferme conviction de cela. Tu dois en avoir la certitude, tu ne dois pas avoir de doute à ce sujet. Car si tu doutes, alors tu ne seras pas exaucé. Car tu n'auras pas rempli cette condition, qui fait partie des conditions d'exaucement de l'invocation. Invoquer Allah en ayant la certitude d'être exaucé. La quatrième condition est de ne pas demander un péché ou la rupture d'un lien de parenté. Car celui qui invoque en demandant un péché ou en demandant la rupture d'un lien de parenté, alors son invocation n'est pas exaucée. Enfin, la cinquième condition mentionnée par les gens de science est de se nourrir, de se vêtir de façon bonne et licite. Médite à ce sujet sur la situation de cet homme dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle dans ce hadith lorsqu'il dit qu'un homme est en voyage, les cheveux ébouriffés pleins de poussière, qu'il lève les mains en invoquant en disant « Ya Rab, Ya Rab, mais sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, et il a été nourri de l'illicite. Alors comment pourrait-il être exaucé ?» Donc ceci encourage le musulman à veiller, à prendre garde, à ne pas se nourrir, se vêtir, ou, de manière plus générale, tu dois faire attention à la source de tes revenus. Faire attention à ce que tu manges, faire attention à ce que tu bois. Faire attention à la source de l'argent avec lequel tu achètes tes vêtements. Afin de ne pas faire partie de ceux qui ne sont pas exaucés en raison de tes manquements à ce sujet. Et si tu remplis ces conditions, que tu réponds globalement à l'appel d'Allah, que ton cœur est présent lorsque tu invoques, que tu as la certitude d'être exaucé, que tu ne demandes pas un péché ou la rupture d'un lien de parenté, et que tu te nourris de façon bonne et licite, alors sache avec certitude que tes invocations seront exaucées. Et il n'y a pas de doute à ce sujet. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais on voit pourtant certaines personnes invoquées qui remplissent en apparence ces conditions, et on ne voit pas la réponse à leur demande. La réponse à cette question est venue dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, l'un d'entre vous ne cesse d'être exaucé tant qu'il ne s'impatiente pas en disant, j'ai invoqué mon Seigneur, mais il ne m'a pas exaucé. Et dans une autre narration, il est rapporté qu'il a dit, on ne cesse d'exaucer le serviteur tant qu'il n'invoque pas pour un péché ou pour rompre un lien de parenté, et tant qu'il ne s'impatiente pas, tant qu'il ne s'empresse pas. On lui demanda alors, ô messager d'Allah, et qu'est-ce que l'empressement, qu'est-ce que l'impatience ici? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait que le serviteur dise, j'ai invoqué et invoqué, mais je n'ai pas été exaucé. Il se lasse alors et abandonne l'invocation. Et telle est la situation de nombre de personnes, qui lorsqu'elles invoquent veulent voir immédiatement la réponse à leur invocation. Ceci est une forme d'impatience et d'empressement, qui s'oppose à la bienséance relative à l'invocation. Lorsque tu invoques, tu dois patienter, tu ne dois pas t'empresser. Et la certitude que tu seras exaucé. Toutefois, tu dois savoir que l'exaucement peut avoir lieu de trois sortes. Ou bien tu auras la réponse à ta demande telle que tu l'as demandée. Ou alors, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en raison de ton invocation, repousse de toi un mal plus grand, car Allah sait où se trouve ton bien, et toi tu ne sais pas. Il se peut que tu espères une chose alors qu'elle est un mal pour toi, et Allah subhanahu wa ta'ala repousse de toi ce mal, et toi tu te plains de ne pas être exaucé. Nombre de personnes, notamment par exemple, qui veulent des enfants, ils invoquent, et ils souffrent de cela, alors qu'il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve en réalité d'un grand mal. Il se peut que s'ils avaient des enfants, ces enfants seraient la cause de leur malheur, ou voire même de leur mécréance, wal'iyadhu billah. Nombre de personnes également invoquent pour le mariage. Ils veulent se marier, ils invoquent, et ils désespèrent, alors qu'ils ne savent pas qu'il y a peut-être dans le célibat un grand bien pour eux, ici-bas et dans l'au-delà, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve ainsi d'un grand mal, d'un mal bien plus grand que le célibat. Combien de personnes souffrent en raison d'un mariage raté. Donc, aie bien conscience de cela. De la même manière, certaines personnes invoquent pour avoir un travail, pour avoir des richesses, et ils ne les obtiennent pas. Et ils souffrent de cela. Alors qu'en réalité, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en te laissant dans la pauvreté ou dans cette situation dans laquelle tu es, il veut pour toi un grand bien. Et combien de personnes, en raison de la richesse, se sont égarés du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala en commettant nombre de péchés et de transgressions, Allah al-musta'an. Donc tu dois toujours avoir en tête qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait où se trouve ton bien et toi tu ne sais pas. Invoque, aie la certitude que tu seras exaucé, tout en ayant conscience que l'exaucement n'est pas forcément la réponse à ta demande telle que tu l'as demandée. Ou bien tu obtiendras la réponse à cette demande, ou alors un mal sera repoussé de toi. Ou alors, la troisième façon d'être exaucé est que cette invocation soit conservée pour toi dans l'au-delà, au moment où tu en auras le plus besoin, au moment où ni bien ni enfant ne te seront profitables, mais seules les œuvres pieuses qui perdurent te seront utiles au jour de la résurrection. Enfin, parmi les choses à savoir sur l'invocation, il y a le fait que bien qu'elle soit exaucée à tout moment, il y a tout de même des moments qui sont plus propices à cela. Et ces moments sont nombreux. Parmi eux, il y a la prosternation lors de tes prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Alors multipliez les invocations. Également, parmi les moments où l'invocation est propice à être exaucée durant la prière, il y a avant les salutations finales. Également, parmi les moments propices, il y a lors de la prière de nuit, notamment durant le dernier tiers de la nuit. Parmi les moments propices, il y a également au moment de la rupture du jeûne et lorsque tu jeûnes tout au long de la journée, car le jeûneur a une invocation qui n'est pas rejetée. Multiplie donc les invocations lorsque tu jeûnes, notamment durant ce mois, et au moment de la rupture, durant les dernières minutes, avant le coucher du soleil, et après avoir rompu ton jeûne, multiplie les invocations, car ce sont des moments propices à l'exaucement. Parmi les invocations également, d'autant plus susceptibles d'être exaucées, il y a l'invocation du père pour son enfant, mais aussi l'invocation de l'homme pour son frère en son absence. Et ça, c'est une adoration immense. que tu invoques pour tes frères et sœurs en leur absence, lorsque tu es prosterné, que tu invoques pour tes frères et sœurs, lors du dernier tiers de la nuit, que tu invoques pour tes frères et sœurs. Et ceci montre la bonté de la personne et son amour du bien pour sa communauté, pour son entourage. Et en plus de cela, lorsque tu invoques secrètement pour ton frère ou pour ta sœur, alors il y a un ange qui dit Amin, ainsi que pour toi. Tu vas demander par exemple, Oh Allah, pardonne à un tel. L'ange dit Amin, ainsi qu'à toi. Donc il y a un mérite immense en cela, à invoquer secrètement pour nos frères et sœurs, et notamment, comme je l'ai dit, lors des prosternations ou durant le dernier tiers de la nuit, également parmi les moments propices à l'exaucement de l'invocation, il y a entre l'adhan et l'iqama, la dernière heure du vendredi ou l'heure de la tombée de la pluie. Multiplions donc les invocations durant ces moments et à tout moment de la journée et de la nuit, car Allah subhanahu wa ta'ala exauce les invocations de ses serviteurs et Allah subhanahu wa ta'ala aime de son serviteur qui lui adresse ses demandes, qui lui manifeste son besoin et son indigence. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de cela, te récompense pour cette adoration. Le simple fait que tu adresses cette demande à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration pour laquelle tu es récompensé, sans même parler de l'exaucement. Le simple fait d'adresser la demande est une adoration par laquelle tu te rapproches de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Multiplie donc les demandes. Et comme on a dit, ne désespère jamais de l'exaucement et du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, aussi difficile soit ta situation. Car Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Et parmi les causes te permettant d'être exaucé lorsque tu es en difficulté, il y a le fait que tu ne négliges pas cette adoration lors des moments d'aisance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, celui qui aimerait qu'Allah l'exauce dans les moments de difficulté, alors qu'il multiplie les invocations dans les moments de facilité. Multiplie les invocations lorsque tu es dans l'aisance. Lie ton cœur à Allah, que ton cœur soit toujours lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi tu pourras revenir à lui d'un cœur présent lorsque tu seras touché par les difficultés et tu trouveras aide et secours de la part de ton Seigneur, bi'inillahi ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à lui vouer un culte sincère et de nous préserver de toute forme de polythéisme, majeur ou mineur, et de nous pardonner nos manquements dans l'accomplissement de ses ordres et le délaissement de ses interdits. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.